Dans l'épisode précédent, les Cardo ont découvert une source miraculeuse. Et Victor a déjà commencé la commercialisation de cette eau. Mais à la surprise de Paul, c'est Marc qui représentera les intérêts commerciaux de la source. Il est celui qui a été guéri par notre eau, le meilleur ambassadeur, c'est lui. Quant à Paul, il est relégué à la technique. Moi, en plombier, est-ce que c'est avec les mains graisseuses que l'on peut conduire une Porsche décapotable avec dignité ? Les Cardo sont lancés sur la route de la fortune. Mais un ingénieur de la ville découvre que la source de la fontaine provient d'une canalisation municipale percée au cours des travaux. Celle-ci doit donc être bouchée. On va la colmater, vous serez quitte pour une bonne amende. Hein. Voici le 13e épisode de votre série Demon Vegas, épisode intitulé La roue de la fortune. Un fax ? Qu'est-ce que ça peut bien dire ? Attends, joli. Suite aux vérifications effectuées sur votre lieu de résidence, où vous avez dernièrement effectué des travaux, il s'est avéré exact que vous avez détérioré une canalisation de la ville de Demon Vegas, où vous avez détourné de l'eau afin de la vendre à un prix bien supérieur à son coût normal. À ce titre, je vous condamne à une amende de 15 milliards de dollars ! Signé le sénateur maire. Coucou, c'est moi ! J'arrive avec les croissants. Mais qu'est-ce que c'est que ce papier ? Un relevé de mon livret jeune qui déborde ? J'en étais sûr, en me levant ce matin, j'en étais sûr ! C'est vendredi 13 et le malheur est sur notre famille ! Mais dites-moi ce qui se passe, mon sang ! Ne sois pas superstitieux ! On se battra et on vaincra ! Les astres ne barreront pas la route de notre gloire ! Mais on va être obligé de revendre la maison, de revivre dans nos tentes et de retourner à l'état sauvage ! Personne ne me prendra ma maison, tu m'entends ? Cardo Pinkcastle est à moi ! À moi ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes ruinés ! On va trouver une solution, il le faut. Cardo Pinkcastle, monsieur Cardo, j'écoute. Bonjour, je suis maître Vargès, notaire à Noirmoutier. Vous êtes bien Victor Cardo ? Oui, monsieur Vargès, que puis-je faire pour vous ? Oh, mais c'est moi qui veux faire quelque chose pour vous. Votre oncle Paolo Cardoza est décédé avant-hier, dévoré par un lion. Les bonnes nouvelles continuent, à ce que je vois, mais il a toujours été un peu fantasque. Il aimait vivre avec des animaux sauvages, il a perdu une jambe, deux bras et une oreille en jouant avec ses tigres et ses panthères. Oui, et j'ai ouvert son testament ce matin, et vous êtes son unique héritier. Je sais qu'il vivait dans un petit manoir, mais ça ne valait pas grand-chose. En effet, il vous laisse aussi ses animaux, et il possède également des châteaux en Espagne et un parc de gondoles à Venise. Laissez les gondoles à Venise, combien ça fait ? Je suis permis de calculer la valeur de l'ensemble, cela représente un montant de 5 milliards de dollars. C'est parfait ! Permettez-moi de m'occuper des transactions et je vous enverrai l'argent. Vous êtes fantastique, monsieur Vargès. Il faudra penser à vous pour le titre de notaire de l'année. De rien. Qu'est-ce que c'était, papa ? Le premier rayon de soleil de la journée. J'hérite de 5 milliards d'un vieil oncle. Ah, c'est vendredi 13, ça va jouer sur nos nerfs toute la journée. Un coup de la chance, un coup de la malchance. Chance et malchance ne sont que deux choses qu'il faut savoir provoquer ou éviter. Va donc jouer au loto, Paul. On ne sait jamais. Un peu plus tard, à la maison de la presse de Demon Vegas... Bonjour mon petit monsieur, qu'est-ce que je vous sais ? Un billet de loto et deux morbacs, s'il vous plaît. Ah, c'est vendredi 13, tout le monde croit qu'il va gagner une petite fortune. Enfin, comme disait ma grand-mère, hein, qui ne vend pas la peau de l'ours ne gagne pas d'argent. Allez, tenez. Merci. Voilà mon bulletin de loto, je vais y gratter mes morbacs. Oh mon dieu. Ça va mon petit monsieur ? Vous faites une drôle de tête. Vous avez gagné ? Non. Je vous l'avais dit. C'est une erreur de croire qu'on aura plus de chance un vendredi 13. Tenez, votre ticket de loto. Ah, c'est pas possible. Je gagne 1 million avec mes deux morbacs. Je savais que le vendredi 13 avait une influence, bonne ou mauvaise, mais elle en a une. Au même moment, dans la maison des Cardo. Cardo Pinkcastle, Victor Cardo, j'écoute. Bonjour, ici le maire de Demon Vegas. Que puis-je faire pour vous ? Vous m'avez ruiné, vous voulez aussi mon cœur et le manger tout cru ? Je n'ai que faire de votre cœur, c'est celui d'un de vos fils que je veux. Mais pour ma fille... J'avoue que je ne comprends pas. Vous pactisez avec le diable ? C'est très simple, je suis prêt à vous faire une réduction de 5 milliards de dollars sur votre amende si un de vos fils se marie avec ma fille. Vous voulez acheter l'amour à coups de dollars ? Les mariages arrangés ne sont pas révolus. Ça ne fait pas que des mauvais couples. Vous avez raison, je suis moi-même de l'ancienne école. Mon fils Marc fera l'affaire. Tu parlais de moi, papa ? Mon fils ! J'ai une grande nouvelle ! Tu te maries ! Pardon ? La fille du maire t'a vu à la télé faire la promotion de notre eau. Et elle t'adore ! Tu verras, elle est très gentille et elle a beaucoup d'argent. Mais je ne la connais même pas ! Je ne sais pas si je vais l'aimer ! L'amour, ça s'apprend. Je te donnerai des cours. Venez vite, ça va être le tirage du loto. Pour le tirage du loto ce soir, il fallait jouer le 1, le 19, le 7, le 34, le 42 et le numéro complémentaire, le 46. Oh, c'est incroyable! Paul, il s'est évanoui! Voyons son ticket! L'unique gagnant se trouve à Damon Vegas, il gagne la somme de 5 milliards de dollars. Bravo! Il a gagné! Voilà nos petits problèmes financiers résolus. Et un fils marié! Je vais finir par croire que tout ce que je touche se transforme en or.